de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que le trône de Dieu. Et il dit au verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Lorsque tu as dit oui, tu fais quelque chose. Il ne faut pas demain changer. Ou lorsque tu as dit non, il ne faut pas aujourd'hui oui. Donc il faut être quelqu'un de constant dans ta manière de parler. Deuxième vérité, faisons attention à l'esprit de vengeance. Il y a beaucoup de gens qui aiment se venger. Je veux parler à quelqu'un. Tu as gardé une dent depuis ton enfance. Tu as dit que tu vas devenir policier pour te venger, pour faire du mal. Mon ami, on n'entre pas à la police. On ne devient pas gendarme pour te venger contre quelqu'un, non. Si tu es chrétien, il faut abandonner cela. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. On t'a dit par exemple dans ta famille qu'il y a la sorcellerie, c'est un sorcier qui a tué ton père et depuis lors tu es animé par un esprit de vengeance. Non, mon ami, il faut abandonner cela. Jésus ne s'est pas vengé. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui aime se venger. Regardez ce que Jésus dit ici. Il dit au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. » C'est ce qu'on appelait la loi des talions. C'était le principe dans l'ancienne alliance. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que tu as marché sur mon pied, moi aussi je marche sur ton pied. Tu m'as salué, moi aussi je te salue. Tu m'as giflé, moi aussi je te gifle. Beaucoup de gens marchent selon ces principes-là. Mais Jésus dit, moi je vous dis maintenant, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il veut tout simplement dire qu'il faut laisser tomber. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Il ne faut pas dire comme il m'a frappé, moi aussi je dois le frapper. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Vous voyez, c'est ça l'esprit. Au lieu de te venger, abandonne cet esprit, œil pour œil, dent pour dent. Troisième vérité, c'est l'attitude envers nos ennemis. Oui, dans la vie, il y a souvent des gens qui sont contre nous. Peut-être des gens qui sont jaloux de toi. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui t'en veulent, qui envient ton poste parce qu'on t'a embauché. Et ils étaient là avant toi, mais toi tu es venu après et tu viens d'avoir des avantages, tu viens d'être élevé à un poste parce que tes patrons t'aiment beaucoup. Sache qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre toi, ils sont en train de mijoter des choses, mais le Seigneur est avec toi. Alors, comment devons-nous nous comporter vis-à-vis de nos ennemis? Il y a beaucoup d'ennemis, même dans l'église, même dans la société, partout où tu travailles, il y a des ennemis. Des gens qui souhaitent ta mort, des gens qui souhaitent ton licenciement, des gens même au niveau de ta famille. Je vais parler à une sœur, ta maman, ta belle-mère même là. Elle t'a déjà maudit en face. Elle souhaite même que tu te sépares avec son fils. Et tu as appris cela. Et tu as du mal à supporter ta belle-mère. Alors, quelle attitude tu dois avoir? Il y a 4 choses ici. Jésus dit, 1, au verset 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Il ne dit pas haïssez. Aimez vos ennemis. Quelqu'un qui te maudit, quelqu'un qui médite de mal pour toi, il faut l'aimer. Ça, c'est un amour surnaturel. Je sais que humainement parlant, on ne peut pas aimer. Alors, tu dois demander cet amour-là qui a caractérisé Jésus-Christ pour qu'il te donne cet amour. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Quand on dit le monde là, ce sont les pécheurs, les adultères, les ivrognes, les méchants. Il les a aimés. Toi et moi, on ne serait même pas sauvés à cause de nos péchés. Mais Jésus nous a aimés. C'est pourquoi il dit, aimez vos ennemis. Deuxième chose, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, vous voyez, faisons attention. Il y a souvent les gens qui font des prières qu'on dit, retour à l'expéditeur. Ça, ce n'est pas dans les principes de la nouvelle alliance. N'imitons pas les choses que les gens font dans le monde. Jésus qui dit ici, bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas dit, si quelqu'un te maudit, il faut dire, retour à l'envoyeur. Vous voyez, ce sont des erreurs que nous faisons. Parfois, quand nous nous bénissons là, c'est Jésus lui-même qui va se charger de nos ennemis. Lui, il dit, il faut les bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il ne faut pas maudire. Le ministère des malédictions là, ce n'est pas le ministère que Dieu nous a donné. Ça, c'est étonnant de voir que ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui maudissent. Les hommes de Dieu qui maudissent leurs filets. Je te maudis. Si quelqu'un, tu quittes mon église, il y a un malheur qui va t'atteindre. Si tu quittes mon église, si tu ne viens pas à mon programme, tu vas faire accident. Ce n'est pas le ministère que Dieu nous a donné. Regardez dans la Bible où Jésus a maudit les gens comme ça. On dit, si vous ne me suivez pas, vous êtes maudits. Vous voyez? Il dit, bénissez. Il a dit même à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Même quand il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Il n'a pas dit à Abraham, c'est toi qui maudis. Ça, c'est Dieu lui-même qui va maudire ceux qui vont te maudire. Mais toi, tu vas leur faire du bien. Tu vas bénir. Troisième chose, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton ennemi, là, celui qui a souhaité ta mort, tu as remarqué qu'il a faim, tu lui donnes à manger. C'est ça, faire du bien. Ton ennemi, celui qui est contre toi, tu travailles dans la même entreprise. Tu as découvert qu'il est sur la liste des gens qu'on veut renvoyer. Mais tu as pitié de lui parce que tu sais qu'il est, c'est un père d'enfant. Sa femme va souffrir. Et on te demande vraiment, ton chef demande si vraiment on peut le laisser. Tu peux dire, il faut le laisser. C'est faire du bien. Il ne faut pas dire, bon, c'est bon même, qu'il n'a qu'à partir. Faire du bien, aider. Là où tu peux aider quelqu'un, lui-même, il peut être étonné pour dire, ah, comment est-ce que nous lui avons fait du mal? Regarde l'exemple de Joseph. Ses frères sont devenus comme ses ennemis parce qu'ils ont souhaité sa mort. Mais quand ses frères sont venus, il leur a dit, je sais que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a recueilli ses frères, il leur a donné le logement, il les a logés dans le Goshen. Vous voyez, c'est ça, faire du bien à nos ennemis. Et dernier élément, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il faut prier pour eux. Pour la plupart des gens, par exemple dans nos familles, les cas des gens qui sont dans la sorcellerie, c'est parce qu'il y a un esprit qui les possède, qui contrôle leur vie, qui les pousse à ces actes-là. Vous voyez? Donc, il faut prier pour que le Seigneur les touche, pour qu'ils se convertissent. Prier pour eux, parce qu'ils sont aveuglés. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est par ignorance que je faisais ces choses. La plupart des gens que nous voyons dans le monde, ils font du mal. C'est par ignorance. Donc, nous devons prier l'Éternel. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il se révèle à eux, pour qu'ils puissent venir à lui, pour qu'ils se repentent. Est-ce que tu comprends? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci parce qu'il est un Dieu bon. Il nous a aimés. Seigneur, ton nom nous donne la joie. si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ô Seigneur. Souviens-toi de comment Dieu t'a aimé. Toi, tu étais loin, tu étais un drogué, tu étais un ivrogne, tu étais un impudique, tu étais idolâtre. Mais le Seigneur t'a aimé, il t'a sauvé. Élève ta voix, bénis-les. Exacte, ô Dieu, je magnifie ton nom, éternel des armées. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. J'écris à toi jour et nuit et tu me guéris. Merci parce que tu fais remonter mon âme du séjour des morts. Tu ne me livres pas dans les bras de mes ennemis, mais plutôt, Seigneur, tu veilles sur mes pas. Merci. Parce que j'étais aussi ignorant, j'étais malhonnête, j'étais adultère, j'étais méchant, j'étais mauvais, je vivais dans la fornication, mais tu m'as racheté à un grand prix. Et je vais te dire merci pour cela, pour ton sang qui parle encore pour moi aujourd'hui. Béni sois-tu pour ton amour à notre égard. Merci parce que tu nous dis d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Et même encore, tu nous dis de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce n'est pas facile. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi pour continuer de te bénir afin que tout cela voie ta gloire que tu nous as promis. Merci de nous aider à pratiquer ta parole et de nous aider à faire rien que ce qui est écrit dans ta parole et faire ta volonté. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Notre passage du jour, c'est Matthieu 5, 32 à 48. Ce passage nous montre que nous devons faire attention à la vengeance. Ne marche pas selon la loi des talions qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais nous devons laisser la vengeance à l'Éternel. Prions le Seigneur pour que nous puissions laisser tomber. Il y a des gens qui nous ont fait du mal, que nous abandonnions cet esprit de vengeance, que nous laissions la vengeance à l'Éternel au nom de Jésus-Christ et que nous puissions marcher selon la loi de l'amour, la loi de la paix, la loi de la réconciliation au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple. Ce matin, nous avons les regards tournés vers toi pour te dire merci. Merci pour toutes les grandes réalisations faites dans notre vie et merci pour ton amour à notre égard. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que l'amour que tu as manifesté à notre égard en envoyant ton Fils unique mourir pour nous, que ce même type d'amour soit manifesté dans nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus, que l'esprit de pardon nous habite dans tout ce que nous entreprenons. Tu as dit dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous nous abandonnons à toi et nous mettons notre confiance et notre assurance en toi pour nous édifier et pour nous délivrer de toute racine d'aigreur, de toute racine de haine, de toute racine de colère, afin que nous puissions véritablement être des enfants de Dieu aguerris. Merci Père éternel pour cet amour qui est en nous et qui se manifeste dans la vie de notre prochain. Merci Père éternel pour cet amour que nous manifestons partout où nous irons. Parce que en faisant cela, nous contribuons ainsi à l'avancement de ton œuvre et ta paix également sera transmise partout où nous nous rendrons. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. Et merci Père pour cette vertu, pour cet amour qui habite en nous. Et merci aussi parce que nous avons la faculté de transmettre ce torrent d'amour aux autres. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'attitude vis-à-vis de nos ennemis. Ce que nous devons faire de nos ennemis, c'est que nous devons les aimer. Nous devons les bénir et non les maudire. Nous devons leur faire du bien. Nous devons prier pour eux. Oh, tu vas penser à quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y a peut-être un nom qui te vient. Ça peut être au niveau de ta famille. Quelqu'un qui t'a fait du mal. On t'a dit que c'est celui-là qui est à la base de la mort de ton mari, de ta femme. C'est celui-là qui a violé ta fille. C'est difficile. Mais le Seigneur te dit, il faut prier pour lui. Il faut faire du bien pour lui. Il faut demander que le Seigneur te donne cet esprit de pardon, de miséricorde. Il faut lui faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bénis ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père, en face de ces réalités douloureuses, être en face de son ennemi, de celui-là qui nous a fait du mal, qui a fait du mal à notre famille, qui a fait du mal à celui que nous aimons. Aujourd'hui, à cause de lui, nous ne travaillons plus, nous n'avons plus de maison. Nous sommes impotents. Mais qu'est-ce que tu nous dis dans ta parole? Romains, chapitre 12, à partir du verset 17, nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, Alléluia. Dit le Seigneur. Alléluia. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à être conduits par ton esprit. Seigneur, viens à nos secours, dans nos familles. Oh, à cause de l'héritage, notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de toi. Soutiens-nous, aide-nous à obéir à ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons demander à tous ceux qui ont de témoignages par rapport à OSB de pouvoir nous faire parvenir. Car le Seigneur est un Dieu fidèle. Nous espérons vous retrouver encore demain à la même heure, à la même chaîne. Au revoir. C'était OSB. La puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant.